À 8 heures, Passepartout avait préparé le modeste sac qui contenait sa garde-robe et celle de son maître et il rejoignit M. Fogg. M. Fogg était prêt. Il portait sous son bras le guide qui devait lui fournir toutes les indications nécessaires à son voyage. Il prit le sac des mains de Passepartout, l'ouvrit et y glissa une forte liasse de ces belles banknotes qui ont cours dans tous les pays. « Vous n'avez rien d'oublié ? » demanda-t-il. « Rien, monsieur. Mon Macintosh et ma couverture. Les voici. Bien, prenez ce sac. » M. Fogg remit le sac à Passepartout. « Ayez-en soin, ajouta-t-il. Il y a 20 000 livres dedans. 500 000 francs. » Le maître et le domestique descendirent alors et la porte de la rue fut fermée à double tour. Une station de voiture se trouvait à l'extrémité de Savile Row. Phileas Fogg et son domestique montèrent dans un cab qui se dirigeait rapidement vers la gare de Charing Cross, à laquelle aboutit un des embranchements du South Eastern Railway. À 8h20, le cab s'arrêta devant la grille de la gare. Passepartout sauta à terre. Son maître le suivit et paya le cocher. M. Fogg et lui entrèrent aussitôt dans la grande salle de la gare. Là, Phileas Fogg donna à Passepartout l'ordre de prendre 2 billets de première classe pour Paris. Puis, se retournant, il aperçut ses 5 collègues du Reform Club. « Messieurs, je pars, » dit-il, « et les divers visas apposés sur un passeport que j'emporte à cet effet vous permettront en retour de contrôler mon itinéraire. »« Oh, monsieur Fogg, » répondit poliment Gauthier Ralph, sous-gouverneur de la Banque de Londres, « c'est inutile, nous nous en rapporterons à votre honneur de gentleman. »« Cela vaut mieux ainsi, » dit Fogg. « Vous n'oubliez pas que vous devez être revenu ?» fit observer André Stuart. « Dans 80 jours, » répondit monsieur Fogg, « le samedi 21 décembre 1872, » à 8h45 du soir. Au revoir, messieurs. » À 8h40, Phileas Fogg et son domestique prirent place dans le même compartiment. À 8h45, un coup de sifflet retentit et le train se mit en marche. Le train n'avait pas dépassé Sydenham que Passepartout poussait un véritable cri de désespoir. « Qu'avez-vous ? » demanda M. Fogg. « Il y a que, dans ma précipitation, mon trouble, j'ai oublié. » « Quoi ? » « D'éteindre le bec de gaz de ma chambre. » « Eh bien, mon garçon, » répondit froidement M. Fogg, « il brûle à votre compte. »